reste une chose pure, mon amour, tu le sais, malgré ce qu'on endure dans ce monde avorté. Une infime chose essentielle, moindre mais authentique, peu m'importe les foudres du ciel. Plus dur des combats.